Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et si je pose la question quel est le rapport entre la gastronomie et la diplomatie, vous ouvrirez probablement de grands yeux. Pourtant, à l'American University à Washington, on peut étudier la diplomatie par la nourriture. C'est une nouvelle discipline qui s'appelle la gastrodiplomatie et c'est bien sûr le sujet de notre chroniqueuse Karine Gravel qui est nutritionniste et docteur en nutrition à l'entreprise Papilla. Bonjour Karine, qu'est-ce Bonjour, que c'est Valérie. Que cette gastrodiplomatie? C'est intriguant, hein? Oui. Alors c'est une nouvelle façon de s'intéresser à la géopolitique. Donc la géopolitique, c'est l'étude des interactions entre les territoires et aussi les rivalités de pouvoir qui peuvent en découler. Donc, la gastrodiplomatie considère la cuisine comme un outil qui permet de favoriser la compréhension culturelle entre les pays. D'ailleurs, les résultats d'une étude publiée dans la revue Public Diplomatie montrent que plus de la moitié des 140 personnes interrogées déclaraient avoir une image plus positive d'un pays après avoir goûté sa cuisine. Donc, en goûtant la cuisine, c'est comme rentrer dans la culture du pays et mieux comprendre le pays. Ça se comprend bien d'ailleurs. Donc, plus concrètement, là, donc, c'est une discipline universitaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend dans les cours de gastrodiplomatie? Donc, d'une partie, on étudie certains conflits, comme par exemple la guerre du Vietnam, celle d'Afghanistan ou encore la guerre civile éthiopienne. Et dans les cours, on retrouve aussi des notions pratiques. Donc, il y a des dégustations de spécialités culinaires provenant de différents pays qui sont organisées, par exemple, dans des restaurants de cuisine du monde. Mm-hmm. Donc, pour vous donner un exemple plus concret, donc, un dîner a eu lieu dans un restaurant éthiopien pour permettre aux étudiants d'en savoir davantage sur l'influence de la cuisine italienne sur la gastronomie éthiopienne. C'est ça, ouais. Donc là, on voit vraiment le rapport entre les territoires. Voilà, exactement. En fait, il y a un vestige de la colonisation des années 30. Et l'idée derrière ces dégustations, c'est que les étudiants apprennent des cuisiniers et des propriétaires de restaurants qui leur expliquent en quoi leur cuisine peut être un outil de communication. Et est-ce que c'est populaire, ça, cette nouvelle discipline, la gastrodiplomatie? Est-ce que les gens courent pour faire ce cours-là? Mais c'est très populaire. La personne responsable de ce cours à l'American University, c'est Mme Joanna Mendelson-Forman, qui est politologue et spécialiste des conflits internationaux. Donc, c'est une personne bien sympathique avec qui j'ai échangé la semaine dernière quelques courriels pour préparer ma chronique. Donc, il y a 19 places disponibles dans ce cours qui ont rapidement été comblées. Quatre autres étudiants sont sur une liste d'attente présentement et le cours n'a pas vraiment encore été publicisé par l'université. Donc, à la grande surprise de Mme Mendelson-Forman, on a parlé de son cours dans des grands journaux comme le Figaro, le China News. Ça a fait le tour du monde, alors. Oui, exactement. Et puis, le prochain cours sera donné au printemps 2015. Mais elle travaille là, présentement à un atelier pratique là, sur la gastrodiplomatie qui pourrait être offert durant la session d'été. Et pour l'instant, ce cours-là est réservé aux étudiants gradués de l'American University. Mais Mme Mendelson-Forman m'a gentiment avisé que son cours pourrait éventuellement être adapté en version plus courte, par exemple pour l'Université Laval. Donc, avis aux intéressés. C'est ça. Mais donc là, on sait aussi, finalement, il y a comme un rapport entre la compréhension entre les territoires. Et on sait aussi que par la nourriture, donc on sait que les gens d'affaires ou des politiciens discutent souvent et prennent parfois des décisions autour d'un repas pris dans un bon restaurant. Est-ce que c'est la même chose? Non, dans ce cas-là, ce serait pas vraiment la gastrodiplomatie. Ça apparenterait plutôt à de la diplomatie culinaire. Il y a une autre chercheuse, Alessandra Roversi, qui a étudié le sujet à l'Université des sciences gastronomiques à Polenzo, en Italie. Donc, cette dame-là a consacré sa thèse de doctorat à la diplomatie culinaire et à la gastrodiplomatie. Elle a étudié les deux. Oui. Donc, la diplomatie culinaire, pour faire la distinction, c'est le fait d'utiliser des repas dans un contexte de relations intergouvernementales pour transmettre un message non verbal. Mais il faut faire attention. La diplomatie culinaire, ça ne se limite pas seulement au bon mets ou au bon vin servi pour détendre l'atmosphère et faciliter les négociations. Donc, le repas peut aussi amener à mieux comprendre des paroles ou à accepter un accord. Concrètement, Le choix des ingrédients, le lieu ou la disposition des tables peuvent être réfléchis de manière à faire passer le message. Ça va très, très loin. Oui, peut-être qu'on s'en doute pas, mais à ce moment-là. Donc, pour promouvoir la diplomatie culinaire, il existe un regroupement qui s'appelle le Club des chefs des chefs. Ouais. Donc, autrement dit, ce sont les chefs cuisiniers des chefs d'État. Et ces chefs cuisiniers-là, membres du club, se réunissent ponctuellement pour échanger sur leur manière de bien remplir les assiettes des chefs d'État et de leurs invités, mais aussi pour bien représenter leur pays. Ah, ben ouais. Donc, si je comprends bien, la gastrodiplomatie est apparue plus récemment comparativement à la diplomatie culinaire. Comment on peut la distinguer de la diplomatie culinaire? Comment on fait la différence entre les deux? Ben, la gastrodiplomatie, c'est une forme de relation publique. Certains gouvernements décident de promouvoir leur nation comme une marque. C'est vrai, va encore plus loin. Donc, pour ça, ils vont développer différentes stratégies avec des institutions et des budgets adéquats afin d'exporter leur patrimoine culinaire. Donc, l'objectif de la gastrodiplomatie, c'est de faire connaître un pays via sa cuisine, mais aussi indirectement d'encourager les investissements, de favoriser le commerce et aussi le tourisme. Mm-hmm. Et à quand ça remonte, ces pratiques de diplomatie culinaire et la gastrodiplomatie? On se mêle un peu dans les termes. Donc, on dit que la diplomatie culinaire est aussi ancienne que la diplomatie elle-même. Donc, l'usage de la cuisine dans le domaine des relations internationales, ça remonte au temps des Romains qui avaient l'habitude de faire la paix avec leurs ennemis autour d'un bon repas. Mm-hmm. Donc, ça date d'il y a très longtemps. Par rapport à la gastrodiplomatie, elle est apparue pour... Ce terme-là est apparu pour la première fois en 2002 dans le magazine The Economist. Donc, les chercheurs s'y intéressent depuis environ 2 ou 3 ans. C'est très récent. Ouais, ouais. Puis, comme je disais plus tôt, c'est une discipline qui vient tout juste de faire son apparition à l'université. Ouais. Et comment on peut expliquer que la diplomatie culinaire existe depuis si longtemps et qu'on connaisse seulement depuis peu l'importance stratégique des plaisirs gustatifs, finalement? Mais dans le domaine des relations internationales, la seule discipline qui concernait l'alimentation, c'était la sécurité alimentaire et non pas vraiment l'aspect culinaire. Donc, on peut expliquer cet intérêt tardif pour la gastrodiplomatie par le fait qu'auparavant, la cuisine était perçue comme quelque chose d'un peu frivole, un peu plus léger. Donc, c'est ce qui expliquait la résistance à amener la cuisine dans un champ académique comme les relations internationales qui sont perçues plus sérieuses. Mm-hmm. Donc, la cuisine était associée à une activité plutôt banale, quelque chose de domestique qui relevait surtout de la sphère privée et féminine Alors que la diplomatie, elle était perçue comme une activité masculine et qui relève plutôt de la sphère publique. Mais effectivement, depuis quelques années, ça a changé. Hein. On observe un intérêt croissant pour l'alimentation, les questions de nutrition. Puis en même temps, les différents champs d'études se sont décloisonnés. Ouais. Donc, tout ça veut dire que les historiens, les philosophes, les anthropologues, les sociologues, les économistes ont commencé à partager entre eux leurs réflexions en lien avec l'alimentation. Donc, possiblement que tout ça, c'était un bon timing. Je me pose aussi la question, est-ce que, d'une certaine façon, la gastrodiplomatie ou la diplomatie culinaire exploite les traditions, les vieilles traditions culinaires? C'est-à-dire que, par exemple, pour les faire valoir, dans le cas de la gastrodiplomatie, j'ai du mal avec gastrodiplomatie, ou alors on peut aussi, dans le cas de la diplomatie culinaire, récupérer les vieilles traditions culinaires pour créer une ambiance propice à la discussion? Mais si on revient à la thèse de doctorat de la chercheuse Alessandra Roversi, elle s'est aussi intéressée aux traditions culinaires qui sont inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Au patrimoine culturel immatériel. Oui. Ouais, c'est quoi ça? Donc, on dit patrimoine culturel immatériel. Puisqu'on parle pas ici on parle pas de monuments ou de collections d'objets, mais bien de cuisine et de traditions culinaires. Donc c'est quelque chose qui est immatériel. Donc parce que c'est pas un objet. On n'y touche pas. C'est ça. Donc jusqu'à maintenant, l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a recensé 8 cuisines et traditions culinaires, autrement dit, qui sont reconnues. Mm-hmm. Donc, dans cette liste-là, qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une chronique complète, on découvre beaucoup de choses, cette liste-là renferme notamment la diète méditerranéenne, la cérémonie du café en Turquie, les traditions culinaires du Japon, puis aussi le repas gastronomique français, pour en nommer quelques-uns. Donc, pour vous donner un exemple, le repas gastronomique français... Il est caractérisé par l'achat de bons produits locaux et dont les saveurs s'accordent bien ensemble, aussi par le mariage entre les mets et les vins, une table qui est bien décorée et des aliments dont on prend le temps de humer, de déguster, d'apprécier, on mange lentement. Le repas gastronomique français aussi débute aussi par un apéritif, se termine par un digestif. Puis, il resserre le cercle familial et amical et renforce les liens sociaux. Donc, quelques-unes de ses caractéristiques. Donc, en somme, faire partie de la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, mais ça permet d'assurer une plus grande visibilité. Là, on devient connu mondialement, reconnu. Ça participe à la marque du pays. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Puis, ça permet de reconnaître des traditions puis des savoir-faire des différentes communautés. Mais justement, donc, d'user de ces vieilles traditions ou du patrimoine culturel immatériel, est-ce que ça peut pas justement amener à une certaine forme de rivalité entre les pays? Ben, c'est un bon point. Une compétition? Parce qu'au départ, la gastrodiplomatie considère la cuisine comme un outil qui permet de favoriser la compréhension culturelle entre les pays. Par contre, comme des intérêts géopolitiques et économiques sont en jeu, ben, les pays veulent placer leur marque dans la liste de l'UNESCO. Donc, certains choix ont été et peuvent être critiqués, effectivement. Donc, oui, ça peut mener à une certaine rivalité. Et ben voilà. Mais pour terminer, si on veut en savoir davantage aussi sur la diplomatie culinaire et la gastrodiplomatie, c'est un sujet qui est très vaste, on pourra mettre le lien là, d'un numéro de la revue Public Diplomatie sur la page Facebook de Futur 5, qui est une gracieuseté de Madame Mendelssohn Forman, qui est responsable du cours de gastrodiplomatie. Ah ben merci Madame Mendelssohn Forman. Donc ce sera dans ce numéro-là, on trouve un article spécialement traitant de la gastrodiplomatie. Ah oui, c'est un numéro spécial. Ah c'est de le numéro. Ok. Oui, plein, plein de choses importantes à découvrir, intéressantes à découvrir. Ben, merci beaucoup, Karine. Merci. Et puis, je rappelle que pour en savoir davantage sur la nutrition, on peut aussi aller visiter le site web de Papilla. Oui. Au www.papilla.ca. Voilà. Merci, Karine. Alors, maintenant, on part en musique sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous parle des arômes artificiels et des arômes naturels.